Section 4 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 4. Les trois coups de foudre par Ludovic Halévy de l'Académie française, chapitre 2, suite. Le succès couronna de si nobles efforts. Madame Lambertin, dans le cours de la première session, sut rallier à la gauche républicaine une dizaine de centres gauchistes, hésitants et timorés. Aussi réussit-elle à jouir bientôt dans son nouveau groupe de la même popularité qu'elle avait si vaillamment conquise dans l'ancien. Mais ce pauvre Montségur fut un peu négligé. Sa conquête n'était plus à faire. On n'eut plus que peu de temps à lui donner. Laure était si parfaitement sûre de lui. Elle n'aimait pas à se dépenser en pure perte. Oui, sans doute, elle le préférait aux autres, mais elle ne voulait lui sacrifier personne. Il se plaignit, gronda, se fit rabrouer, devint ténébreux, morose. Le soir, quand le salon était bondé de sénateurs et de députés, de fonctionnaires et de journalistes, quand avec une grâce infinie, Madame Lambertin se multipliait, tâchant d'être toute à tous, Montségur ne la perdait pas de vue un seul instant, s'efforçait de la bloquer dans un coin, et là lui faisait de petites scènes, la gênant horriblement dans son manège compliqué de marivaudage politique, si bien qu'un jour elle se fâcha tout rouge, et lui déclara qu'il devenait insupportable. « Vous tuerez mon salon, lui dit-elle. Votre attitude hier soir était intolérable. Vous me compromettez, vous m'affichez et vous vous rendez par-dessus le marché, pleinement ridicule. Vous venez vous jeter d'un air sombre, entière, dans les tête-à-tête les plus innocents. Ce n'est pas Lambertin qui ferait jamais cela. » Vous êtes un obstacle permanent à la fortune et à l'avenir de mon mari. Je vous aime. Et moi aussi, mon cher, je vous aime. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime, là, c'est fait. En avez-vous assez? En voulez-vous encore? Êtes-vous content? Est-ce une affaire entendue? Cela devrait vous suffire. Ayez donc confiance. C'est si doux la confiance et c'est si bête la jalousie. Trois longues années suivirent, agitées, houleuses, mêlées de colère et de tendresse, de bruit et de raccommodement, de séparation éternelle et de soudaine réconciliation. Montségur, sans cesse, menaçait de plier bagage, de retourner au centre gauche, voire même au centre droit, en sautant d'un bond par-dessus le centre gauche, il retrouverait là ses anciens amis qui feraient bon accueil au retour de l'enfant prodigue. Puis il se laissait ramener, était repris par une câlinerie, par une gentillesse, par un petit billet de 4 lignes, où il n'était pas du tout question de politique. Il retombait sous le charme, reprenait sa chaîne et son supplice recommençait. Au fond, il était très amoureux et par conséquent très malheureux. Les Lambertin possédaient près de Bargeton le joli château de Larnat et autour de ce joli château une très belle chasse. Montségur, tous les ans, allait faire l'ouverture chez Lambertin en tout petit comité, 4 ou 5 amis seulement, pris en dehors des chambres et de la politique. C'était une halte dans les intrigues parlementaires, un délicieux instant de trêve et de repos. Montségur, le matin, montait à cheval avec Laure et le soir se promenait avec Laure, au clair de la lune, tout le long de la petite rivière qui serpentait dans le parc. Il l'avait à lui, bien à lui, tout à lui, rien qu'à lui. Il n'y avait entre deux que le mari, et c'est si peu de choses un mari quand ce n'est pas tout. Mais voici que l'ouverture de la chasse au mois de septembre 1880 prit chez Lambertin un caractère politique. C'est que les élections approchaient. Montségur vit arriver à Larnat une demi-douzaine de députés de la gauche républicaine et une demi-douzaine de députés de l'Union républicaine. La session allait continuer en petit chez Madame Lambertin. Le soir, le long de la petite rivière, au clair de la lune, les échos entendirent, au lieu de paroles d'amour, d'insipides discussions sur les beautés comparées du scrutin de liste et du scrutin d'arrondissement. Laure devenait insaisissable. Elle préparait une grande fête champêtre et républicaine qui se donnerait dans le parc. On espérait avoir un ou deux ministres. Les réjouissances principales devaient être un banquet, un feu d'artifice et un grand discours de Lambertin. Et comme il était incapable de le faire lui-même, ce grand discours, Laure, pour y travailler, s'enfermait avec un grand brun, pas trop bête, assez beau parleur, qui faisait partie de l'Union républicaine. Monségur éclata. Il fit alors une scène épouvantable. Elle l'écouta froidement et comme il lui disait, « Je m'en irai, je m'en irai. » « Mon cher, » lui répondit-elle avec un calme parfait, « nous avons deux express, l'un le matin à 9 heures, l'autre le soir à 10 heures. Quand vous le désirez, je vous ferai conduire au chemin de fer. » « Ce soir alors. » Ce soir, c'est entendu. Il y a 50 minutes d'ici à la gare. La voiture sera devant le perron à 9 heures. Monségur allégua la nécessité d'aller se retremper au sein de ses électeurs, fit sa malle et partit le soir même à 9 heures. Laure lui avait serré la main. Au moment où il montait en voiture, il lui avait glissé cette petite phrase dans l'oreille. « Vous êtes un grand enfant, vous nous reviendrez. » « Non, » répondit-il. L'avenir devait donner raison à cette énergique et brève réplique. Fin de la section 4. Lue par Sandra, près de Montréal, 2023.